Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. L'épidémie du sida s'est déclarée dans les années 1980, il y a 40 ans. À l'échelle de l'histoire des épidémies, c'est peu comparé aux autres, la peste, le choléra. À l'échelle d'une génération, c'est énorme. À l'échelle d'une vie, c'est gigantesque. Souvenons-nous de ce que chantait la sublime Barbara en 1987. Si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer, sont mourus d'amour, sida, sidané. Les damnés d'amour, à mourir d'aimer, ils sont morts d'amour, sidané. Depuis ses origines, beaucoup a été dit sur le sida, la maladie des drogués, des homosexuels, des immigrés. Beaucoup de fantasmes, de méconnaissances, beaucoup d'horreurs. Les choses ont bien changé, c'est sûr. Mais connaît-on les origines du sida? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Pour ceux qui sont encore vivants et que l'on aime, et pour ceux qui sont morts d'amour et que l'on n'oublie pas. Aujourd'hui, nous faisons le point sur l'histoire de l'épidémie du VIH. Le Fonds mondial de lutte contre le sida s'est fixé l'objectif de stopper l'épidémie en 2030. Donc il reste 10 ans pour mettre fin à cette pandémie dont l'éradication est désormais envisageable. Oui, aujourd'hui, nous allons parler des origines du sida et c'est essentiel pour comprendre la propagation de l'épidémie. Avec vous, Annabelle Desgrés-Duloup, bonjour. Bonjour. Vous êtes démographe, vous êtes directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes également directrice adjointe de l'Institut Convergence Migration et membre du Centre Population et Développement. Vous avez écrit Parcours de vie et santé des Africains immigrés en France, c'est à la découverte, et également Incambaré, la maison qui relève les femmes. C'est aux éditions de l'Atelier. Dites-nous, Annabelle Desgrés-Duloup, Incambaré, c'est quoi? Incambaré, ça veut dire en Kinyarwanda, la maison accueillante. C'est une association créée en 1997 par une Rwandaise, Bernadette Rouegera, à Saint-Denis, au nord de Paris, et qui est une maison qui accueille les femmes qui vivent avec le VIH, qui pour la très grande majorité d'entre elles sont africaines. Et ces femmes africaines, elles vivent le double fardeau de l'exil et de la maladie. Et elles arrivent en général dans cette maison, qui est un appartement en fait, fracassées par cette annonce qu'elles ont reçue en France en général, qu'elles portent une maladie qui fait peur, et puis dans des situations sociales dramatiques, parce que souvent vivant dans la rue, n'ayant pas de papier, etc. Voilà, et Incambaré petit à petit va les relever, et ce livre raconte comment. Et vous, en tant que démographe, en tant que chercheuse, vous avez rencontré les membres de cette association, sa fondatrice également. C'est comme ça que vous êtes arrivée à écrire ce livre, Incambaré, la maison qui relève les femmes. Voilà, en fait, j'avais été repérée du fait de la précédente recherche sur les parcours de vie des immigrés africains en France et le VIH, comme une personne qui s'intéressait à ça. Et elles sont venues me chercher en me disant, il faut que tu racontes ce qui se passe chez nous. Donc j'ai passé du temps dans cette association. J'ai rencontré chaque personne qui travaille, j'ai rencontré des femmes qui y sont accompagnées, suivies. Et on a essayé de faire un livre qui ne soit pas un livre académique, mais un livre qui raconte. Oui, parce que c'est un livre illustré qui est très très beau. Voilà. Annabelle Desgrés-Duloup, c'est quelque chose que vous allez également nous raconter ce matin dans le cours de l'histoire. L'histoire d'une association et l'histoire du regard d'une chercheuse sur l'évolution du sida dans la population immigrée. Et en deuxième partie dans le cours de l'histoire, nous recevrons Jacques Pépin, professeur au département de microbiologie et de maladies infectieuses à l'université de Sherbrooke, Québec. Il est médecin, il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Aux origines du sida, au seuil ». Il sera accompagné de Guillaume Lachenal, un maître de conférence en histoire des sciences à l'université Denis Diderot. Et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien avec son journal de l'histoire, mais pour le moment, un reportage. Vous allez voir, nous allons sauter de toute façon dans cette émission de bond de 10 ans en 10 ans. Le premier point de départ, c'est 1987 et ce reportage de 1987 a été diffusé dans l'émission 7 sur 7, c'était le 1er mars. Tout a commencé en novembre dernier par ce geste, Norman Fowler, le ministre de la Santé, brandissant le prospectus qui serait distribué à toutes les familles britanniques pour les prévenir du danger du sida. Officiellement donc, pas de panique, mais paradoxe, le gouvernement conservateur, hostile par principe à l'interventionnisme, fait un virage à 180 degrés. Au nom de la santé publique, l'État pèse de tout son poids, une contradiction qui crée un malaise, qui renforce le sentiment d'insularité des Britanniques. À toutes les frontières, il y avait déjà des panneaux pour avertir que les animaux étrangers sont indésirables pour ne pas propager la rage. Pour la première fois, il y a quelques semaines, cette attitude s'est appliquée à l'homme. Un officier d'immigration de l'aéroport d'Heathrow à Londres a refoulé un Américain parce qu'il était atteint du sida. Un extrait de l'émission 7 sur 7 en 1987 où il est question du sida et des migrations. Annabelle Desgrés-Duloup, le sida est identifié au début des années 1980. Dans l'étude que l'on peut faire dans ces années-là, effectivement tout est flou puisque l'on ne connaît pas encore vraiment cette maladie-là. Il y a un aspect intéressant, vous chercheuse, vous regardez les populations immigrées, mais pour la France, et c'est très légitime, vous ne disposez pas de sources parce que il n'y a pas de statistiques liées aux races, aux origines. Tout à fait, et en particulier dans le domaine de la santé. On ne collecte pas le pays de naissance ou l'origine des patients. Ça ne se fait pas. Et bon, voilà, ça correspond à l'ensemble des statistiques et des statistiques sanitaires en France. Et quand l'épidémie de sida arrive dans les années 80-85, les médecins ne sont pas idiots. Ils voient bien que chez leurs patients sont pour majorité soit des homosexuels, plutôt blancs, soit des Africains. Donc ils ont bien repéré que cette maladie touchait ces deux groupes de population. Mais le fait que ça touche disproportionnellement des Africains va pas du tout être mis en avant justement par peur de stigmatiser en France, justement à la différence de l'Angleterre où les races sont utilisées, collectées comme une catégorie comme le sexe ou l'âge. En France, on va jusqu'en 1999 complètement occulter cette question-là. Annabelle Desgrés-Duloup, hein, vous précisez bien dans vos écrits que le mot race doit être utilisé comme le rapport social par lequel des groupes sont assignés à une identité. En fait, il y a un lien d'identité à la race. C'est dans cet angle-là qu'on peut lire le mot race. Voilà, bien sûr. La race est socialement construite. Biologiquement, elle n'a aucune existence. Et alors, dans ces années 1980, il n'y a aucune statistique qui est liée aux origines, sinon la nationalité. C'est vrai qu'on parle souvent des Haïtiens, parce que les Haïtiens, c'est un pays, donc on a une identité. Mais ça se limite à ça, en fait. Oui, et puis on parle des Haïtiens parce qu'on parle des 4 H. Donc les homosexuels, les Haïtiens, ça y est, j'oublie les deux autres. Il y a la drogue, voilà, j'imagine. C'est ça, il y a en fait, héroïnomane. Voilà, ça correspond en fait au mode de transmission de l'épidémie qu'on repère de façon empirique, mais on ne connaît pas à ce moment-là on ne sait pas quel est ce virus, on sait même pas que c'est un virus qui est. Donc on voit seulement ce qui se passe comme quelles sont les voies de transmission. On voit cette épidémie, on essaye de comprendre. Et quand on essaye de comprendre et qu'on ne connaît pas, on a peur, et donc la peur se cristallise toujours sur des groupes d'origine. Donc effectivement, les Haïtiens, en fait, c'est plus aux États-Unis qu'on a peur des Haïtiens, parce qu'en France, c'est bien plus les Africains que les Haïtiens qui sont touchés. Voilà, c'est l'Afrique subsaharienne principalement. L'Afrique subsaharienne qui est particulièrement touchée, sans que cela soit officiellement identifié. Tout à fait. Ça ne sera officiellement identifié que très exactement à partir de 1999, le VIH, donc l'infection à VIH, fait partie des maladies dites à déclaration obligatoire, c'est-à-dire que tout clinicien ou biologiste qui diagnostique une nouvelle infection est tenu de remonter aux autorités sanitaires les caractéristiques individuelles de correspondant à la personne qui a été diagnostiquée. Et dans ces caractéristiques individuelles, on va voir arriver le pays de naissance et l'origine. Et ça crée une grosse polémique à ce moment-là, et c'est seulement en 2003 que ces statistiques comprenant le pays de naissance vont être officielles, parce qu'on se rend compte, c'est vraiment la bascule autour des années 2000, on se rend compte de la nécessité d'avoir des informations et des statistiques par pays d'origine, si on veut bien prendre en compte la vulnérabilité spécifique de certains groupes. D'ailleurs, dans ces années 1980, Annabelle Desgrés-Duloup, vous évoquiez ces 3 H, donc haïtien, homosexuel et hémophile. Voilà. C'est ce que me dit Milena Elie, qui réalise le cours de l'histoire avec aujourd'hui à la technique Souad Boukorsa. Dans ces années 1980, en France, il n'y a pas de prise en compte, en fait, réellement des origines, même si les médecins commencent à se apercevoir que les Africains sont concernés. La prise en charge des personnes malades va venir en fait de ceux qui sont les premiers concernés. C'est le cas pour l'association Ikambere, qui a été créé en 1997. Nous allons écouter le témoignage lu par Camille André de Bernadette Ruegera, qui est rwandaise, Ruegera, et qui nous explique ce qui l'a poussé à créer cette association. Si j'ai créé Ikambere, c'est sans doute aussi, mais pas seulement, parce que j'ai perdu une de mes sœurs à cause du sida. Nous étions très proches, je me suis occupée d'elle pendant toute sa maladie. J'étais là tous les jours. Mais malgré tout ce que j'ai fait pour elle, je réalise que ma sœur se sentait seule. Je l'accompagnais pour qu'elle guérisse, mais je ne l'ai pas accompagnée vers la mort. Et elle se sentait seule sur ce chemin-là. Cela m'a rendue perméable à la solitude intérieure de ces femmes qui vivent avec le VIH. On doit les accompagner dans le respect de la souffrance de chacune. L'esprit d'Ikambere, c'est de s'adresser à des personnes. Elles souffrent tellement qu'il faut leur montrer un grand respect pour les guérir, se mettre à leur service. Le regard porté sur chacune est important. Il faut respecter leur singularité. Il faut beaucoup de douceur et d'amour face à la violence que suscite le VIH. Les femmes qui arrivent ici sont en colère. Il faut entendre cette colère et la calmer. Camille André qui nous disait ce qu'écrit Bernadette Ruegera, donc la fondatrice de l'association Ikambere. Comment fonctionne cette association, dites-nous Annabelle Desgrés-du-Loup. Le plus simplement du monde, il y a une équipe d'une vingtaine de personnes donc dans cet appartement qui accueille de façon inconditionnelle toutes les femmes qui vivent avec le VIH et qui leur sont envoyées ou qui ouvrent la porte, envoyées par une amie, un médecin. Et donc chaque femme est accueillie, peut à toute heure du jour venir sans s'être inscrite, sans s'être annoncée et est accueillie à un repas. Le repas est absolument central dans la vie d'Ikambere parce que justement ça signe très exactement cet esprit que vous avez eu la gentillesse de lire avec cet extrait que je trouve toujours très touchant du livre. Voilà, et c'est ça l'esprit d'Ikambere, c'est que les femmes ont avant d'obtenir des papiers, des titres de séjour, un appartement, un travail, un traitement pour leur VIH, elles ont avant tout besoin d'être reconnues, écoutées, accueillies comme à la maison. Voilà, d'où ce nom, Ikambere. Et puis il y a du sport, il y a des activités, c'est-à-dire que le corps n'est plus nié du tout, le corps est actif. Voilà, et retrouver l'estime de soi, c'est la première chose qui est nécessaire quand on a une maladie qui fait peur comme ça. Et donc voilà, l'esthétique aussi, de la socio-esthétique, on se maquille, on se fait belle. Annabelle Desgrés-du-Loup, vous êtes chercheuse et en étudiant les populations immigrées, vous voyez comment la prise en charge peut évoluer. Avec Ikambere, on est sur une prise en charge associative. Est-ce que l'institution maintenant fait davantage attention à ces différences? C'est vrai que vous participez à d'autres institutions, vous êtes à l'université Descartes, mais vous êtes à d'autres institutions, et parmi lesquelles certaines regardent l'immigration particulièrement. Alors, est-ce que ce qu'on peut déduire des différentes recherches qu'on fait, c'est que des associations comme Ikambere, il en existe d'autres, peu nombreuses, sont en général plus petites, mais il en existe d'autres. Ces associations remplissent un rôle que ne peuvent pas tenir les institutions publiques. On parle beaucoup de l'exceptionnalité du VIH. C'est assez extraordinaire ce qui s'est produit en 30 ans dans le VIH, en termes de recherche, d'accompagnement, de liens entre les médecins, les associations, les décideurs, etc. Et pour autant, les institutions ne peuvent pas tout faire, et en particulier cette prise en charge globale dont on vient de parler, mais les associations sont là pour... ce sont des personnes qui, en général, ont vécu... Alors, à Ikambere, vous avez expliqué pourquoi Bernadette a créé cette association. C'est parce qu'elle a rencontré des femmes séropositives, que ce soit au Rwanda ou en France. Travaillent à Ikambere des personnes qui vivent avec le VIH, donc qui savent ce que c'est. Donc voilà, ce soutien par les pairs, parce qu'on a les pairs PAIRS, il est absolument indispensable et il remplit un office que ne peuvent pas remplir les services hospitaliers. Et puis c'est un petit peu la démarche que vous avez, vous Annabelle Desgrés-du-Loup, vous le dites dans les premiers mots de cet ouvrage Ikambere, la maison qui relève les femmes. Votre œuvre est un peu celle d'un griot, puis vous rajoutez non, un peu griotte, et j'aime beaucoup cette image-là. Merci beaucoup à vous Ikambere, la maison qui relève les femmes, et nous poursuivons dans le cours de l'histoire notre réflexion sur où en est-on du sida et les origines du sida, en partant à la recherche du cas zéro peut-être, pour comprendre comment l'épidémie s'est propagée. En attendant, nous retrouvons, et ça c'est toujours avec joie, Mano Solo, Je taille ma route. Quelque temps, je le sens en son nouveau courir sous ma peau, qui accompagne les fous battements de mon cœur, sourdement, sourdement, ça cogne là-dedans, et de loin en loin, ça se rapproche, une marée de triple croche qui martèle les clous de ma nouvelle maison au rythme d'un tout qui m'invite à la passion, et je taille ma route. Rien ne me dégoûte, poussé par mon instinct, je trace ma vie et je taille ma route. Plus rien ne me dégoûte, poussé par mon instinct, je trace ma vie avant toute fusion. Je battais le pavé. Et chaque jour, il devient plus fort dans chaque partie de mon corps, ignorant les dérives, bousculant les fatigues. Il pousse mon âme vers l'avant, alors que sorti du tempo. Mano Solo taille sa route dans le cours de l'histoire sur France Culture. Aujourd'hui, nous partons à la recherche des origines du sida, car c'est essentiel pour comprendre la propagation de la maladie. Et pour commencer, installons-nous devant la télé. Nous sommes le 2 juillet 1983, il est 20h et nous regardons le journal d'Antenne 2. Aux États-Unis, on n'en finit plus de parler du sida. Ce mal mystérieux qui s'est propagé surtout dans la communauté homosexuelle et qui s'est révélé mortel pour près de 500 personnes. Le fait qu'on ne sache toujours pas guérir ce mal commence à provoquer un véritable vent de panique dans tout le pays. Il faut rappeler qu'une cinquantaine de cas ont été décelés en France. Angoisse aux 20h d'Antenne 2, le 2 juillet 1983. Annonce d'une maladie nouvelle. Jacques Pépin, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes spécialiste des maladies infectieuses. Vous arrivez avec un ouvrage aux origines du sida. Ces origines vous ont conduit dans une enquête sur les racines coloniales d'une pandémie. C'est le sous-titre. Guillaume Lachenal, bonjour. Bonjour. En tant que professeur à sciences politiques et historien, vous portez un autre regard, pas celui du médecin, mais vous suivez en fait la même logique. Si nous remontons un petit peu le temps, à quel moment le premier cas est identifié comme étant une maladie particulière? C'est aux États-Unis? En juin 1981, dans le fond, il y a une publication très brève, environ 500 mots, qui décrivait un agrégat donc de 6 cas d'une pneumonie causée par un microbe très, très rare chez des homosexuels qui présentaient une immunosuppression pour laquelle on n'avait pas d'explication. Et quand l'on découvre en 1980 à Los Angeles qu'il y a une maladie particulière, la démarche, là encore, est de remonter dans le temps pour trouver, dans l'idéal, le patient zéro. Le premier cas de sida qui est identifié, nous le connaissons ou pas? Ça s'est probablement produit au tournant du 20e siècle. Et éventuellement, on croit que le virus est arrivé à Léopoldville, donc ce qui est aujourd'hui Kinshasa, aux environs de 1920. Tous ces jours à Léopoldville, nous sommes dans les années 1920 et pourtant le virus ne se propage pas tout de suite. Il y a quelques cas identifiables après les années 1920, dans les années 30, 40 ou 50. Il y a des cas suspects qui sont survenus au début des années 1930 chez des travailleurs. C'était du travail forcé, en fait, des gens des différentes colonies françaises d'Afrique qui ont été amenés à travailler sur la construction du chemin de fer, le Congo-Océan, donc entre Brazzaville et Pointe-Noire. Et là, il y a un médecin colonial français, Léon Palaise, qui était à Brazzaville, qui a commencé à faire des autopsies chez des patients qui mouraient d'une maladie assez étrange, auquel il a donné un nom, la cachexie du myombe, le myombe étant la région du Congo-Brazzaville, mais également du Congo belge où le gros du travail pour la construction du chemin de fer se passait. Et ces gens-là revenaient, dans le fond, mourir à Brazzaville avec une maladie qui ressemblait quand même de façon assez suggestive au sida. Et Palais a fait des autopsies et il a trouvé, lors des autopsies, des changements qui également étaient assez évocateurs du sida, notamment une atrophie cérébrale chez ces patients assez jeunes. Mais on n'a jamais retrouvé de spécimens qui auraient été prélevés lors de ces autopsies. Donc, pour l'instant, c'est hypothétique et ça va le rester. Je vois pas comment on pourrait prouver ou infirmer cette hypothèse. Et Jacques Pépin, vous évoquez la médecine coloniale, la première à être confrontée à cette maladie-là. Un témoignage, c'est un docteur, une figure de la médecine coloniale, un médecin militaire français, le docteur Lapessoni. Pour, je crois, bien vous expliquer, pour vous faire comprendre la chose, il faut que vous imaginiez qu'il existe deux sortes de médecine. D'une part, une médecine dite assise, dite statique, où le médecin attend dans un petit poste de brousse, par exemple, que le client vienne. En général, le drainage se fait 5, 10, 15 kilomètres autour de ce centre médical. Et puis, une deuxième espèce de médecin, une espèce de médecine qui, à mon avis, la plus valante, la plus valable, est celle qui consiste à aller au-devant du malade, comme Jameau l'avait préconisé, comme vous l'avez dit, et c'est ce que vous voyez faire ici. On a dépisté des trypanosomés, maintenant, on pratique la ponction lombaire pour voir dans quel état il se trouve, si le système nerveux est atteint, et ensuite, on va pratiquer le traitement. Vous remarquerez d'ailleurs, à propos de ce traitement, dans un instant, la merveilleuse rapidité et la merveilleuse dextérité avec laquelle ces infirmiers africains pratiquent des milliers, ils ont pratiqué des milliers et des milliers d'injections intraveineuses sans accident, sans incident. Ouais, sans accident, sans incident, effectivement. Merci, docteur Lapessoni, de ce témoignage sur l'ORTF en 1962. Guillaume Lachenal, vous êtes l'auteur de Le médecin qui voulut être roi sur les traces d'une utopie coloniale. C'est au seuil. C'est quoi la médecine coloniale? Nous sommes là dans les années 50, 60. C'est quoi cette médecine? Je dirais que c'est une médecine de santé publique qui, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, qui est financée assez massivement par les métropoles, belges, françaises, britanniques, avec un vrai souci de se débarrasser en gros des endémies tropicales pour enfin que les colonies se développent. Donc il y a un souci économique qui justifie l'investissement et qui justifie aussi la méthode qui est avant tout une médecine de population. On s'intéresse pas trop à soulager l'individu de ce qui l'embête, mais on veut rationaliser l'action à l'échelle des populations et ça passe par une médecine qui est très standardisée, efficace aussi sur le plan des indicateurs épidémiques. Oui, parce qu'il y a le fantasme de guérir une population entière, d'éteindre complètement des maladies. Nous sommes dans un mouvement très positiviste dans ces années-là, avec des vaccinations de masse. Vaccination de masse, aussi des campagnes qui sont pas des vaccinations, mais où on dépiste des maladies, on les traite sur le champ, c'est ce qu'évoquait Lapessoni des campagnes d'injection, avec cet objectif d'éradication qui renforce encore les ambitions des médecins. C'est une médecine qui est très ambitieuse et qui se donne en plus les moyens de ses ambitions. Est-ce que, dans la question qui vous intéresse l'un et l'autre, Guillaume Lachenal et Jacques Pépin, en étudiant le sida, est-ce que vous vous dites les structures coloniales telles qu'elles ont été mises en place ont pu avoir une influence ou non sur la transmission d'un être humain à un autre être humain du sida? Effectivement, je crois que ça, cet aspect-là ne fait aucun doute. Et l'exemple peut-être le plus frappant, c'est un autre virus, le virus de l'hépatite C, qui a été transmis par les injections contaminées lors de ces grandes campagnes de lutte contre les maladies endémiques. Et dans des régions, plusieurs endroits dans le sud Cameroun, si on regarde les gens assez âgés, comme qui ont peut-être 70, 75 ans maintenant, c'est jusqu'à 40 à 50% qui ont été infectés par le virus de l'hépatite C. Donc, on se dit que si c'est survenu pour ce virus-là, qui lui est compatible avec la survie chez une bonne proportion des patients infectés, ce serait vraiment étonnant que ça ne soit pas survenu pour le VIH aussi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que des populations entières, on dépistait les maladies infectieuses, on les traitait, comme disait Guillaume, on les traitait sur le champ. Et les médicaments disponibles à cette époque n'étaient pas très efficaces. Donc, pour avoir le maximum d'efficacité, on les administrait par voie intraveineuse. Et il n'y avait pas de compréhension du risque infectieux parce qu'on connaissait pas grand-chose sur les virus à cette époque-là. Donc, les aiguilles, les seringues étaient simplement rincées entre deux patients. Et ça a créé des conditions vraiment favorable à la propagation du VIH. Guillaume Lachenal, quand on parle du Congo, il y a deux Congos. Il y a le Congo français et le Congo belge. Est-ce que le fait que ces systèmes coloniaux soient un peu différents peut expliquer la propagation ou non du virus? Est-ce qu'il y a une différence de pratique médicale dans les colonies ou est-ce qu'il y a une vision occidentale, européenne, qui s'applique à peu près tout le monde? Moi, je dirais qu'il y a une convergence quand même de ces systèmes. Les médecins coloniaux adorent se regarder les uns les autres, se comparer, faire des conférences franco-belges, anglo-franco-belges, etc. C'est un rituel de la médecine coloniale que de regarder ce que fait l'empire d'à côté. Donc, les méthodes convergent. Les Français, comme la Pessoni, sont convaincus qu'ils ont inventé la médecine mobile et la lutte contre la maladie du sommeil et qu'ils ont comme ça sauvé l'Afrique. Et les Belges disent la même chose, les Portugais aussi, les Anglais aussi. Donc, en fait, c'est vrai que les systèmes convergent. En particulier sur ce recours massif aux injections et à la vaccination pour certaines maladies avec des systèmes de santé mobiles qui rayonnent dans le pays. Tout ça, ce principe, il est partagé. Mais quelles sont les maladies à ce moment-là qui préoccupent les médecins dans ces années 1950, 1960 et même encore un petit peu après les années 70? Quelles sont les épidémies qui font peur? Nous ne sommes pas encore avec une préoccupation portée sur le sida. Jacques Pépin. Les efforts de cette médecine mobile se sont portés beaucoup sur les maladies vénériennes. Les maladies vénériennes étaient vues également comme une menace au progrès démographique des colonies. Donc, on avait besoin de main-d'œuvre et donc, il fallait lutter contre les maladies vénériennes qui avaient pour impact de réduire la fertilité des femmes. Alors, on a développé une véritable obsession autour de la lutte contre, notamment la lutte contre la syphilis. À Léopoldville, à partir des années 30, mais ça s'est continué jusque dans les années 50, il y a eu un centre de traitement des maladies vénériennes où il se faisait un nombre absolument extraordinaire d'injections intraveineuses à tous les jours. Mais en même temps, c'était un bon endroit aussi pour infecter. Donc, c'était possiblement la convergence entre les deux modes de transmission. Oui, nous sommes aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, à la recherche des origines du sida. C'est le titre de votre livre Au Seuil, Jacques Pépin. Et nous arrivons toujours au Congo belge. Nous sommes à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Nous allons y aller en 1947 avec le prince régent Charles de Belgique, celui qui était là avant Baudouin. Au Congo belge, où il poursuit son grand voyage, commencé voici un mois, le prince régent de Belgique est arrivé cette semaine dans le district de Nyenza, où l'attendaient de fastueuses réceptions. Au son des tambours sacrés, le prince régent a été accueilli en grande pompe par le roi des Batutsi. Unissant les rites anciens de la vieille Afrique au spectacle des manifestations de la vie moderne, les Batutsi devaient présenter aux princiers visiteurs le classique concours de gymnastique, cher à nos festivités européennes, et la très ancienne et très vénérable danse du Bogoy, souvenir d'un âge où l'Afrique centrale vivait dans ses forêts, solitaire, avec ses danses, ses masques et ses magies. 1947, les actualités françaises, le prince régent de Belgique qui se rend au Congo belge, de la propagande coloniale à foison et puis du cliché aussi. Il y a cette idée que les populations vivaient dans les forêts. J'ai envie de vous poser une question, le sida est là, présent, il s'est transmis. Alors, du singe à l'homme, la théorie tient toujours, Jacques Pépin, ou elle est discutée? La théorie tient toujours, je crois qu'il n'y a pas d'autre théorie qui puisse être soutenu à part celle-là, c'est-à-dire que la transmission s'est faite en manipulant de la viande de chimpanzé, soit que c'est quelqu'un qui a tué le chimpanzé en forêt, qui s'est blessé en découpant l'animal en morceaux pour être capable de le ramener au village, ou peut-être l'animal s'est défendu et a blessé le chasseur. Ou alors c'est au village même où l'animal ayant été ramené, les femmes du village l'ont dépecé aussi pour éventuellement le préparer. Je crois que cette partie-là de l'histoire ne fait pas tellement de doute. Il y a eu d'autres hypothèses qui ont été émises au fil des ans, mais qui ont été, à mon avis, infirmées de façon assez... Alors, il y avait notamment l'hypothèse défendue par un auteur britannique dans un livre qui s'appelle « The River », autour d'un vaccin contre la poliomyélite, un vaccin expérimental qui avait été utilisé au Congo belge. Je crois que maintenant, les preuves sont certaines que ça ne s'est pas produit de cette façon-là. C'est important de le rappeler, hein, parce qu'on entend encore aujourd'hui ces rumeurs, il faut mettre ça au niveau de la rumeur, ces explications qui disent que c'est une importation, que c'est une invention humaine, le sida. Guillaume Lachenal. Non, un point important, c'est que la biologie et l'analyse des séquences de virus montrent bien qu'il n'y a pas un VIH, il y en a... 5 ou 6 qui circulent, qui sont 5 ou 6 virus qui circulent chez les hommes qui sont originaires de transmissions indépendantes de singe à l'homme, du chimpanzé, mais aussi d'autres espèces de grands singes et de plus petits singes. Donc en fait, cette transmission du singe à l'homme par les contacts avec la viande ou par les morsures ou je ne sais quoi, c'est pas du tout compliqué. C'est pas le facteur limitant dans l'épidémie. S'il y a eu une épidémie de sida, c'est pas parce que subitement on s'est mis à toucher des singes ou à les manger. Le facteur limitant, il est ailleurs, il est dans les conditions qui ont permis de devenir une épidémie. Et c'est aussi pour ça qu'il n'est pas besoin d'invoquer des vaccins contre la polio, des complots de laboratoire, etc. C'est pas compliqué d'attraper un virus de singe. C'est essentiel ce que vous dites là, Guillaume Lachenal, parce que le sida a pu exister dans les siècles passés. C'est-à-dire qu'il a pu y avoir des contaminations au niveau de villages, au niveau de zones réduites, mais elles ne se sont pas propagées. Il y avait des structures sociales qui pouvaient éventuellement expliquer la limitation d'une épidémie. C'est surtout le changement de contexte qui explique la propagation du sida. C'est bien ça, il pouvait y avoir du sida bien avant qu'on en parle. On ne savait évidemment pas ce que c'était, il pouvait y avoir des petites épidémies. Jacques Pépin. Absolument. On pense que le virus existe chez les chimpanzés depuis au moins quelques centaines d'années. Et le fait qu'on ait pu démontrer, comme le disait Guillaume, qu'il y a eu au moins, pour le VIH1, il y a eu au moins 4 épisodes de transmission du chimpanzé à l'homme, des épisodes de transmission qu'on est capable de documenter aujourd'hui, ça nous dit qu'il y a dû en avoir bien d'autres auparavant. Et ce qui se produisait, c'est l'Afrique précoloniale. Bon, mais le chasseur infectait sa femme ou infectait peut-être ses deux femmes s'il était polygame. Ces gens-là développaient le sida, mouraient au village 10 ans plus tard et puis c'était fini. Donc, il y a certainement eu des cas comme ça qui ont représenté des impasses épidémiologiques. Et avec la colonisation européenne de l'Afrique centrale, sont apparus des facteurs qui ont permis effectivement au virus de prospérer. On en a déjà parlé au niveau des injections contaminées à travers les campagnes de lutte contre les maladies endémiques, également au niveau de la prostitution qui a découlé de l'urbanisation de l'Afrique centrale. Donc, sont apparus au début du 20e siècle, les conditions qui étaient propices au développement de la pandémie. Oui, c'est plus le contexte général de la colonisation qui explique la propagation du sida. Et donc, je comprends bien, à vous écouter, Guillaume Lachenal, Jacques Pépin, que le sida se transmet de l'animal à l'homme, que ça peut rester très localisé, mais qu'en l'occurrence, pour l'épidémie qui nous concerne, où l'on pourrait évoquer les épidémies dans le sens où il y a plusieurs formes de VIH, pour les épidémies qui nous concernent, il y a un contexte, le contexte colonial en l'occurrence, qui facilite la transmission. Alors, quels sont les éléments de ce contexte colonial qui expliquent la transmission ? La ville ? La ville coloniale avec les formes de sociabilité et de sexualité qu'évoquait Jacques, avec des villes qui sont initialement des sortes de camps de travail, avec des rapports démographiques entre les hommes et les femmes très en faveur des hommes, un sexe ratio très déséquilibré. Donc ça, c'est des ingrédients potentiels à une diffusion sexuelle du sida, si on joue à modéliser ça mathématiquement. Mais qui dit ville dit prostitution, dit rupture des rapports sociaux. C'est cette structure de ville qui explique que le sida se propage? Je crois bien, oui. Et effectivement, une des raisons pour lesquelles ça s'est passé à Léopoldville plutôt que dans une autre ville d'Afrique centrale, c'est que Léopoldville, c'est une ville qui a connu depuis en fait les années 30 une croissance extraordinaire, une ville dont la population a doublé tous les 5 ans. Donc, il y avait un afflux de migrants masculins. Et il y avait des conditions qui... Le colonisateur ne voulait pas, en fait, que ces gens amènent femmes et enfants en ville. Il voulait garder une mobilité maximale de sa main-d'œuvre, s'en débarrasser quand on en avait plus besoin. Et donc, ça a créé ce déséquilibre entre les hommes et les femmes au point de vue numérique. Et alors, à Léopoldville s'est développé ce qu'on a appelé des femmes libres. Donc, il y était des femmes qui vivaient de ce que leur donnaient ces hommes. Donc, elles avaient 3 ou 4 clients réguliers. Chaque client passait là-bas peut-être une fois par semaine. En plus de la relation sexuelle, ils bénéficiaient d'un peu de cuisine, un peu de peut-être le soin des cheveux et tout ça. Et donc, ça a créé des conditions qui ont permis une certaine amplification sexuelle, mais quand même un niveau relativement modeste par rapport à ce qui est survenu plus tard. En 1960, le Congo devient indépendant. Il y a eu une mutinerie de l'armée. C'est vraiment une situation très chaotique. Il y a des centaines de milliers de gens qui sont arrivés tout d'un coup à Kinshasa. Une grande pauvreté aussi. Et là, du jour au lendemain, il y a eu un changement important dans le pattern de prostitution. Plutôt que d'avoir des femmes libres qui avaient 3 ou 4 clients réguliers, c'était des prostituées qui avaient 3 ou 4 clients différents chaque jour, donc potentiellement 1 000, 1 500, 2 000 par année. Et là, ça a créé des conditions propices pour vraiment une multiplication exponentielle du VIH par voie sexuelle à partir de 1960. C'est la vraie question qui se pose, parce qu'on a envie de dire, mais pourquoi donner le contexte colonial pour expliquer la propagation? C'est peut-être simplement l'urbanisme et le développement des transports. Qu'est-ce qu'il a de spécifique, ce contexte colonial, pour expliquer la propagation du sida? Ce que montre bien le livre de Jacques Pépin, c'est qu'on a d'abord cette interaction entre des facteurs liés à la transmission sanguine par les injections et des facteurs liés à la transmission sexuelle, et que on a une sorte de scénario catastrophe qui se déploie à Léopoldville et peut-être dans d'autres villes africaines, hein, au Cameroun on a une autre épidémie de VIH. Donc ça, c'est une spécificité, et effectivement la transmission iatrogène, elle va perdre de l'importance. Iatrogène. Iatros, c'est le médecin en grec, hein, donc c'est la transmission qui nous vient des médecins, et cette transmission là, elle va perdre de l'importance au fur et à mesure des progrès de la médecine dans les années 60, 70 et puis 80. Finalement, sur la stérilité des injections et des transfusions sanguines. Et puis aussi parce que ces campagnes médicales massives, etc., elles perdent en intensité après les indépendances. Oui, c'est ça. Après les indépendances, il n'y a plus la volonté de vacciner en masse, ou en tout cas plus la capacité de le faire. La transmission devient sexuelle à partir des années 80. La transmission du sida se fait aux États-Unis. Il y a quand même cette question du passage de l'Afrique à l'Amérique. Comment s'est passé ce passage de l'Afrique à l'Amérique? Le passage de l'Afrique vers, disons, le continent américain, c'est à peu près certain que ça s'est fait via Haïti. Alors, après l'indépendance en 1960, il y a eu un exode très rapide de tous les enseignants belges, les médecins belges, les agronomes et ainsi de suite. Et les agences des Nations Unies ont fait venir quelques milliers d'Haïtiens qui ont remplacé les Belges qui venaient de partir. Et on est à peu près certain qu'il y en a un parmi ces 4 000 ou 5 000 Haïtiens. Il y en a un, et probablement un seul, qui s'est infecté avec le VIH-1B, qui l'a ramené en Haïti. Et alors là, il y a eu de la transmission à l'intérieur d'Haïti. Et à peine quelques années plus tard, probablement à travers le tourisme sexuel des homosexuels américains qui allaient passer des vacances 1 ou 2 semaines en Haïti, qui se payaient des partenaires sexuels haïtiens. De cette façon-là, le virus est arrivé aux États-Unis quelques années plus tard, vers 1971-72, à New York, et éventuellement jusqu'en Californie, à San Francisco. Et cette période correspondait à quelques années près, au début du mouvement de libération des homosexuels. Et ça s'est caractérisé, en particulier à San Francisco, par le fait que ces hommes avaient un nombre absolument incroyable de partenaires sexuels. Les premiers cas de sida aux États-Unis, en Californie, ils avaient peut-être en moyenne 100 à 200 partenaires sexuels par année. Alors, ça a créé des conditions vraiment extrêmement favorables à la propagation du virus chez les homosexuels américains. Et de là, ça a été réexporté vers l'Europe de l'Ouest. Quand vous racontez tout cela, Jacques Pépin, ça fait frémir parce qu'il y a un contraste saisissant entre la liberté, la libéralisation sexuelle de ces années-là et le traumatisme que représente l'arrivée du sida. Il faut le rappeler sans cesse. Oui. Ça a fait énormément de morts. Ça a bouleversé des vies. Clin d'œil et exemple avec Jeanne et le garçon formidable, un film d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau. C'était en 1998. La vie réserve ses surprises, des choses qu'on n'attendait pas. Souvent ce n'est qu'une bêtise, un amour qui vient, qui s'en va. Mais la vie sait être cruelle, te plonger dans le désespoir. Et voilà que ta bagatelle se transforme en tragique histoire. Tu rencontres un garçon qui t'aime, et tu lui offres ton amour. Tu sais que ce ne sera pas sans problème, que ça durera pas toujours. Mais il y a le sida qui s'en mêle, et tu sais qu'il va en mourir. Alors tu l'aimes de plus belle, tu veux l'empêcher de souffrir. La vie réserve ses surprises dans Jeanne et le garçon formidable. La prise de conscience du sida comme maladie est vécue littéralement par les gens dans leur corps dans les années 80. Pour les gouvernements, pour les États, à quel moment il y a une prise de conscience qu'il y a un vrai danger? Aux États-Unis, assez rapidement, la lutte s'est organisée par le grand organisme de santé publique, le Center for Disease Control. À ce niveau, leur réaction, à mon avis, a été exemplaire. Donc, ils faisaient de la recherche, ils identifiaient un nouveau mode de transmission, disons un ou deux cas chez des patients qui avaient reçu des transfusions sanguines chez des hémophiles. Et très rapidement, on développait des interventions visant à limiter la propagation par le sang contaminé. Donc, aux États-Unis, ça s'est fait de façon, à mon avis, très exemplaire à ce niveau-là. Au niveau supérieur, au niveau politique, par contre, ça a plutôt été le contraire. En fait, l'administration Reagan voyait le sida, dans le fond, comme une punition pour les homosexuels qu'on assimilait à des pervers. Donc, au niveau supérieur de l'appareil gouvernemental, ça a plutôt été lamentable pendant plusieurs années. Mais au niveau des responsables de la santé publique, je crois qu'il faut leur donner beaucoup de crédit. En France, je connais moins l'évolution de la riposte. Guillaume Lachenal. C'est une histoire qui reste controversée, avec évidemment l'ombre du sang contaminé, qui restera quand même une faillite politique majeure. Et là encore, qui est une histoire qui est en vis-à-vis d'une autre histoire comme celle du CDC, qui est une histoire scientifiquement assez glorieuse, puisque les Français vont identifier le virus les premiers, avec une véritable course scientifique contre les Américains. Et Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier seront récompensés du prix Nobel pour ça. Mais là encore, je crois que le pouvoir politique n'a pas été exemplaire. Et la justice d'ailleurs l'a rappelé. Et puis aux États-Unis comme en France, comme dans beaucoup d'autres pays, c'est aussi des patients et des communautés qui est venue la réponse la plus forte, avec une mobilisation, avec une prise de conscience des comportements qu'il fallait changer par la protection, le safe sex, etc. Donc c'est là aussi où il y a une réponse qui restera dans l'histoire pour des bonnes raisons. Nous comprenons bien en vous écoutant, Jacques Pépin, Guillaume Lachenal, que le sida ne peut s'expliquer que par un contexte, que ce soit le contexte colonial qui explique facilement la propagation de la maladie, que ce soit le contexte social. On est sans cesse confronté à des schémas, des images mentales, l'un et l'autre qui étudient la question depuis longtemps. Vous les ressentez encore, ou la perception du sida a évolué? Oui, alors pour rebondir sur ce que vous dites, je crois effectivement que cette enquête sur les origines, elle serait vaine ou inintéressante si elle n'était pas liée à une réflexion aussi sur la lutte contre les épidémies aujourd'hui. Et c'est vrai qu'une leçon de l'épidémie de sida, c'est l'importance de ces contextes écologiques, comme vous le dites. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut contraster avec cette représentation des épidémies dans laquelle on se bat encore aujourd'hui, qui serait et de ces pandémies qui seraient favorisées par le fait qu'on échange trop dans le monde, qu'il y a des avions partout, c'est incroyable, il n'y a plus de frontières, etc. Ce que montre l'épidémie de sida, c'est que le facteur limitant à la pandémie de sida, c'était pas du tout que des Haïtiens aillent au Congo et que des Haïtiens aillent aux États-Unis. C'est des conditions historiques spécifiques. Ce virus, il a fallu lui dérouler le tapis rouge dans différents milieux, par la médecine, par la sexualité, etc. C'est pas les hommes et les femmes qui voyagent qui sont responsables de cette pandémie. Et cette leçon-là, c'est pas la circulation qui pose problème dans les pandémies, mais c'est les conditions d'expansion d'un virus dans un million donné, les conditions écologiques, les conditions sociales, les conditions de vie. Ça, je crois que c'est une leçon qui est très importante à rappeler, et à rappeler en particulier à ceux et celles qui nous gouvernent. Oui, la réflexion sur le contexte de propagation d'une épidémie est essentielle aussi pour soigner les gens. Oui, dans une certaine mesure, mais je crois que le fait de s'intéresser aux origines du sida, moi je vois ça aussi comme un peu un devoir de mémoire par rapport aux 37 ou 38 millions de personnes qui en sont décédées. Et peut-être aussi l'occasion d'aller chercher des leçons utiles pour l'avenir. Il y a eu des contextes qui ont permis, on a parlé de contextes coloniaux, contextes sociétaux, mais je crois qu'il y a eu aussi une certaine, je dirais pas une arrogance, mais disons de la part des médecins de l'époque, on croyait qu'on allait régler tous les problèmes et dans le fond, on... sans comprendre les risques qui étaient associés à cette... Il y a eu un manque de sagesse, je crois, dans toutes ces interventions, ces injections à des millions de personnes à chaque année. Et je crois que peut-être il y a une leçon d'humilité qui peut être apprise de cette histoire. Je dis ça aussi en toute humilité. Donc, si j'avais été médecin dans les années 20, 1930, j'aurais fait exactement la même chose que ces gens-là. Donc, il s'agit pas de les blâmer, mais il s'agit de regarder ça avec un certain recul et peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait éviter à l'avenir. Je vous donne un exemple, je pourrais en trouver d'autres. Il y a quelques années, il y a des chercheurs, je crois que c'était aux Pays-Bas, qui ont réussi à reconstituer le virus de la grippe espagnole de 1917-1918. Donc, à partir de l'ADN du virus qui avait été séquencé, identifié, ils ont réussi à recréer le virus de la grippe espagnole. Un virus qui a tué, je sais pas, 10 ou 20 millions ou 30 millions de personnes. Alors, est-ce que c'était sage de faire ça? Qu'est-ce qui pourrait arriver si le virus sortait de ce laboratoire? Je ne sais pas très bien comment ça s'est terminé, cette histoire-là. Il y a eu beaucoup de réactions négatives. Mais ça démontre quand même qu'il y a toujours un certain risque à ce que la science, disons, manque de sagesse. Jacques Pépin, vous êtes l'auteur d'Aux origines du sida, enquête sur les racines coloniales d'une pandémie, c'est au seuil. Et vous, Guillaume Lachenal, vous avez écrit notamment Le médicament qui devait sauver l'Afrique, un scandale pharmaceutique aux colonies, c'est à la découverte. Le regard de l'historien est toujours utile. Merci beaucoup à vous deux. Nous retrouvons Anaïs Quien pour le Journal de l'Histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le Journal de l'Histoire ce matin, conclusion de notre semaine en partenariat avec le magazine L'Histoire, puisque vous avez lu 5000 ans de catastrophes, du déluge au collapsologue, c'est le hors-série du magazine. Le déluge biblique serait-il le premier récit d'une catastrophe naturelle restée en notre possession? L'histoire fraye avec la géologie à travers un entretien avec René Le Toll qui s'intéresse aux relations entre la Bible et la science. Le déluge s'y prête particulièrement bien puisque c'est un des plus anciens mythes et aussi un des plus connus qui met en scène Noé, 600 ans à l'époque d'après la Genèse, s'embarquant sur l'arche accompagné de couples d'animaux pour échapper aux pluies diluviennes destinées à purger la terre des hommes qui s'étaient laissés aller à la violence et à une cacophonie inévitable donc qui dérangeait fort les Dieu. Un récit qu'on retrouve aussi bien dans l'Ancien Testament que dans la tradition sumérienne. Les eaux se seraient abattues sans relâche jusqu'à la rupture rocheuse qui aurait permis la création de la mer Noire. Noé, qu'est-ce qu'il a dit ? Il détruire le monde. Cela ne peut-il être évité? L'homme a corrompu ce monde. Il l'a empli de violence. Nous devons disparaître. Un grand déluge approche. Nous allons construire une arche pour recueillir les innocents. Mère! Qu'est-ce qu'il y a? Là! Mais les relevés géologiques contrarient le mythe. L'eau serait montée progressivement pour former la mer Noire sans épisode catastrophique, et ce, malgré les fantasmes générés par la découverte dans ces eaux en 2001 de vestiges, des poutres sculptées et des outils datés de 5000 ans avant notre ère. Les hommes sont passés par là sans pour autant y avoir subi les foudres climatiques. Pour atteindre le niveau actuel de la mer Noire, il eût fallu 13 000 km3 d'eau, ce qui aurait pris 80 ans par les voies célestes, autant dire que tout le monde aurait trouvé le temps de se mettre à l'abri. Je vais te trouver un déluge pour toi, un déluge pour moi, pour nous, un déluge. Donc pas de déluge à l'endroit de la mer Noire, René Le Toll donne sa préférence à la première version du mythe contenu dans les tablettes sumériennes et la légende de Gilgamesh, et donc à la Mésopotamie, région assez plate où les crues peuvent se montrer redoutables. Mais là encore, il n'y a pas de catastrophe. Une déception cruelle sur un sujet qui déchaîne pourtant les passions sensibles aux histoires des cités englouties. Les serpents viennent aussi ? Tous qui rampent, tous qui glissent. S'il est une catastrophe découverte récemment au grand étonnement mais aussi à la grande joie des archéologues et des géologues, ce sont les tsunamis de Genève. 6 tsunamis pour un lac suisse depuis l'âge du bronze. Les historiens en avaient repéré un, datant du 6e siècle de notre ère, mais Stéphanie Girard-Clos raconte comment, en sondant le fond du lac Léman, une équipe de géologues a pu évaluer des vagues allant jusqu'à 13 mètres de haut. Si aucun événement de ce type ne s'est passé depuis 2 siècles, les autorités suisses ont décidé d'en tenir compte et la protection civile a travaillé sur un scénario tsunami à Genève, on ne sait jamais. Merci Anaïs, toutes les informations à lire et à voir se trouvent sur la page du Journal de l'Histoire en vous rendant sur franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André et Aurélie Lachkar. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet Le cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en baladodiffusion, le podcast. Et puis vous pouvez les commenter sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire.